Alex Harvey est de retour au Québec et question un peu de savoir un peu comment qu'il vit ça, comment qu'il a vécu son année loin de l'Europe, loin du Québec, c'est-à-dire on lui passe. Salut Alex. Salut. Alex, d'abord, comment tu as trouvé ça ton année encore une fois loin du Québec, une année olympique? Ah ben, ça a été comme les autres années, je dirais. Ça fait depuis 2009 là, que je vis cette vie-là de nomade un peu dans mes bagages, trimballer mes sacs d'un hôtel à l'autre, donc... C'était pas très différent, là. C'était circuit de la Coupe du Monde à partir du mois de novembre, ensuite jusqu'aux Jeux qui ont commencé là, à la mi-début février. OK. Voyagement, beaucoup d'entraînement entre les compétitions, mais non, c'était une saison. Je commence à être habitué, disons. Est-ce que une année olympique, est-ce que la préparation est différente? Plus au niveau de la logistique, oui, parce que c'est sûr que les Jeux, c'est une plus grosse bête qu'une Coupe du Monde normale. Mais à part de ça, au niveau de l'entraînement et tout, tu sais, il n'y a pas de différence là, pour nous. Quand on se prépare, si c'est pas les Jeux olympiques, ben c'est un championnat du monde. Puis pour nous, on se prépare, il n'y a pas de différence au niveau de l'entraînement, au niveau de la préparation physique, au niveau de la compétition. L'aspect sportif est vraiment pareil, peu importe les Jeux olympiques championnat du monde. Après, c'est la logistique qui est toujours un peu plus compliquée quand c'est pour les Jeux olympiques, mais heureusement, il y a du monde qui s'occupe de ça pour nous. OK. Pour nous, c'est pas tant différent que ça. Les gens sont surpris d'apprendre ça, mais c'est pas très différent, non. OK. Si on parlait un peu des Olympiques, comment t'as trouvé? Est-ce que t'es déçu, encore une fois, de ne pas avoir remporté une médaille? Comment t'as vécu ça, Pyeongchang? Par résultat, à la dernière compétition, c'est sûr, terminé 4, le chiffre est décevant. Mais après ça, c'est là que la déception s'arrête. C'est tout le reste, la préparation, la performance que j'ai livrée cette journée-là, le fait d'avoir vraiment tout contrôlé, les choses qu'on a pu contrôler, et tout était parfait à ce niveau-là. T'sais, moi, je considère vraiment que c'est une de mes meilleures courses, une de mes meilleures prestations physiques à vie. Fait qu'à partir de ce point-là, je suis satisfait. C'est sûr, quatrième, c'est décevant, mais c'est la seule déception, c'est le chiffre. Tout le reste pour nous. Moi et pour toute mon équipe, c'était vraiment une super bonne course. L'aspect russe, comment tu as vécu ça? Les Russes qui ont été suspendus, il y a quand même des athlètes qui ont quand même participé aux Jeux. Est-ce que tu penses qu'on a fait le nettoyage là-dedans ou encore il reste encore des soupçons? Oui, il reste des soupçons, c'est certain. Je pense pas que le nettoyage, parce qu'il y a quelques athlètes qui ont été écarté, mais les entraîneurs restent les mêmes, ouais. Les mêmes équipes. Donc, je pense pas que c'est complètement clean, mais moi, je leur donne le bénéfice du doute. T'sais, je peux pas commencer à faire des cauchemars à propos de ça. Puis, faut que je sois capable de vivre avec moi-même, vivre avec garder ma santé mentale. Donc, je commencerai pas à faire des fabulations à savoir si les deux Russes, un des deux Russes en avant de moi était dopé, parce que moi, j'ai contrôlé les choses que je pouvais contrôler, puis mes compétiteurs, c'est pas quelque chose que je peux contrôler. OK. Je m'attends pas trop là-dessus. Qu'est-ce qui se passe l'été comme toi? Là? T'es revenu au Québec, je pense que c'est mardi soir, t'es revenu au Québec? Lundi, OK, ouais. Donc, lundi soir, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que là, tu vas donner plusieurs entrevues. Bon, ton agent m'a dit que tu avais plusieurs demandes, ça va être ça, j'imagine. Après, est-ce qu'on va prendre une pause? Comment ça va se passer dans ton cas, là? Ouais, ben je continue à m'entraîner jusqu'à la fin du mois de mars. Puis le mois d'avril, c'est le seul mois de l'année où on est en repos. Fait que okay. Moi, je vais aller en vacances un peu, puis mais passer du temps avec mes amis, rester à la maison aussi, parce qu'on est en. Je voyage beaucoup par année, mais après ça, le 1er mai, ça recommence. L'entraînement okay. Recommence d'une façon intensive le 1er mai, puis à partir de ce moment-là, c'est non-stop jusqu'à la prochaine saison. On fait deux entraînements par jour, six jours par semaine. Quelquefois, c'est 7 jours par semaine aussi. Ça recommence d'un coup au 1er mai. Là, tu as annoncé ta retraite pour l'an prochain, si je ne m'abuse, la Coupe du Monde. Ça ne te tente pas de faire un autre cycle de 4 ans, encore une fois, pour que c'est quoi? C'est Tokyo en 2022. Ça ne te tente pas, Tokyo? 2022, c'est la Chine, c'est Beijing. Ah, c'est Beijing. Tokyo, c'est sur la excuse-moi. Pour moi, c'est un peu trop loin. Puis, tu sais, je suis étudiant à la faculté de droit à l'Université Laval. Je veux terminer mes études. Puis, c'est le voyagement qui est difficile. Ouais, je suis parti depuis le mois de novembre. décembre, moi, c'est presque 5 mois d'affilée, là. À Noël, je suis pas chez moi, là. J'étais en Europe. C'est ça qui est de plus en plus difficile, là. C'est d'être parti pendant des longues, longues périodes prolongées. Puis là, ça, c'est sans compter les camps d'entraînement qu'on a pendant l'été. J'adore m'entraîner, j'adore compétitionner, mais le fait d'être parti de la maison aussi longtemps que ça, c'est ça qui pèse beaucoup dans la balance. OK. Ben Alex, on va te souhaiter la meilleure des chances. Tu as plusieurs entrevues à accorder au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes, puis on va te suivre et continuer l'an prochain encore une fois. Ouais, merci. Voilà, donc le skieur Alex Arvey.